Unité 1, phonétique, exercice C. Il s'appelle Alex. Son père travaille dans une entreprise française. Son nom et son adresse? Aurélie vient dimanche. Fabien et Stéphane vont au même lycée? Xavier est né aux États-Unis. Virginie aussi? Elle parle couramment chinois. Vous apprenez l'informatique en classe? Thierry a 21 ans cette année? Ses parents arrivent samedi. Il passe ses vacances en Crète. Julie travaille à la poste. Elle ne regarde jamais la télé. C'est son anniversaire demain?